Un radeau fait de palettes. Un rêve d'évasion. Quatre débiles en short. Et zéro direction. Un radeau armé. Ouais, c'est notre délire. On tire en rythme avec le soleil pour soupir. Le vent souffle fort, les vagues dansent, une pluie de loups tombe en cadence sur l'île maudite, les cœurs battent fort. Rist et reggae, un cocktail d'effort. Parfois, y'a des dés qui rament avec un panneau solaire. Pendant que je vise l'île comme un mercenaire, les vagues me parlent, elles chantent la guerre. Mais moi je réponds avec mon flot de terre. Russe c'est la jungle où l'âme s'égare. Mais sous le soleil tout devient bizarre. Des zombies passent, des pièges se referment. Dans ce paradis, la survie gouverne. Je cours dans la nuit, je suis le roi des vents. Ma voix est le feu qui fend le temps. Un gros de clown vise le ciel, une base volante, pourquoi pas mon gars. Russe c'est un jeu ou un test mental. On joue comme des boss, mais en slip c'est normal. Serveur qui brûle, ambiance chill, AK sur l'épaule, la vie est tranquille. Russe tropical, reggae maudit, mais oublie ta tourelle, ta défaite est garantie. La nuit est longue, les feux éclatent, les vieweries là-bas s'éclatent. Sous les étoiles, la guerre s'allume, le radeau danse, c'est la coutume. Je roule un blueprint comme un joint d'espoir, mais il prend feu jeté dans le noir. Le voisin dit pêche, je réponds peut-être pas. J'ai planté un piège à ours où il ne pensait pas. Tatoué Farmen Phare sur ma pioche, je sème pendant que la base est moribonde. Serveur ralenti, mais l'ambiance reste bénie. Je ressens tout totalement investi. La lune brille sur l'acier rouillé, rien n'est sûr, c'est la vérité. Chaque nuit est une danse avec le destin. Dans cette terre maudite, on devine le chemin, le vent, le fort, les ombres dansent. Chaque pas fait trembler la lance, les flammes. Monte les âmes pleurent, mais le radeau avance malgré la peur. Viens en bambou piégé, ambiance chaude. J'plante un piège dans ta garde-robe. Je rappe reggae dans un mégaphone. Je pile ta basse pendant que ton âme gémit. Funky sombre son doux et la mort arrive avec un dubstep flouer rust. Délice tropical maudit, les viewers planent donc avant la lutte. Le feu crépite, les cris s'élèvent dans cette jungle, seul le plus fort relève. Les nuits sont longues, les combats rudes, mais le reggae apaise nos attitudes. Le chemin de la rage recyclé, je forge du métal sur scène déchaînée. Je surfe le loot sur un radeau de fortune, je crie amen quand tout s'écroule en brune. Dreadlock sur ma tourelle, elle tire en rythme, c'est naturel. Raider skill sur la plage, AK en main, Bob Marley des raids matinaux du matin. Le lever du soleil peint le ciel sanglant, les pillards hurlent, les spectateurs soupirent calmement. Chaque caisse un mystère caché, dans ce monde rouillé, tout est décalé. Les ombres dansent au rythme des tirs, le radeau vibre, le chaos inspire les vieweries, la fête est là, rust et reggae, un mélange de joie. Crafting dreams with scraps and fire, building towers ever higher, but one wrong step and all will fall. A cursed rhythm, the servers call, the wind whispers secrets to the trees as bullets dance with deadly ease. In the sign where chaos reigns, reggae flows to my rusty veins. Je bâtis des tours avec des déchets, un faux pas et tout est arrêté. Le vent murmure, les balles dansent dans cette île où règne la démence. Les dreadlocks volent, la foule acclame, riders qui remènent la danse infâme. Rombombe dans les bananiers, ce sacré pour tout effacer. Explosion reggae avec grenades à la main, les viewers hurlent sauvages sans fin. Hall bienvenue à l'été en flamme, ma base est une plantation d'armes rustes en tenue rastafari. Chaque beat est un adieu paradieux, le chaos règne, le soleil brûle, la fête continue même quand tout s'écroule. Les rires fusent, la nuit s'enflamme, rust et reggae, le duo qui clame.